10 fois plus de cash, on veut de plus en plus de liasses. Chez nous chacun fait sa maille, ça fait Versace ou Off-White. Du Versace, du Off-White, ça fait Versace ou Off-White. Pour la maille, pour la maille. Tu me vois regarder le ciel, je suis qui et je vois pas tes appels. Elle voudrait réveiller la bête, mais la bête ne trouve pas sa bien. Viens pas tester, laisse tomber. Dans le check son c'est dangereux, comme Mahle sur le rinté. Décès, on est nombreux. Charbonne, fais les fils, calé dans le V6, si tu m'en veux. Là, tu bois, réveille, tu t'es. Mais demain, dès le soir, ça ira mieux. Lyon, le lit. Tu connais ça, nous, mais c'est la zone, zone, zone. Un de vie. Y'a plus le temps, pélo, mais la gang, gang, gang. La rue, ça va vite, et l'avenir est jamais sûr. Ils font la mala, demain, ils tiendront les murs. Je rêve des sièges du Lambeau et d'un bédo dans mon cas. La rue, ça va vite.